confrontation in some stupid little town. A black killer. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 131e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Cette semaine, c'est la 131e déjà, et j'ai prévu pas mal de nouveautés. Il y a pas trop d'exclus, mais je parlerai des prochaines émissions. On commencera tout de suite avec Predator, le nouveau Saxon. C'est sur l'album Thunderbolt, leur 22e album sorti le 2 février 2018. On retrouve Olympus Rising, Thunderbolt et Sniper. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté à l'endroit, le nouveau Néophyte. C'est sur l'album Vue d'Ensemble, sorti le 21 juin 2018. On retrouve Dans les Vignes, Caméra Obscura et... L'attrait du flou, on les retrouve sur Bandcamp, Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Dizenart, de Stomper 98, c'est sur l'album Alter Gebracht, sorti en mars 2018. On retrouve Skinhead, Ken Elden et Wir Stehen Hier. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Stealing de Johnny Clark, c'est sur l'album Ja Ja We Pray, sorti le 17 décembre 2013. On retrouve Play Play Girl, Ja Ja We Pray et Rastaman notamment, du super bon son. Et on finira ce bloc en live avec Under My Wheels de Alice Cooper, c'est sur l'album Paranormal, son 27e album, mais oui déjà, sorti le 28 juillet 2017. On retrouve Fireball, Paranoiac Personality et Rats. Et les 6 derniers morceaux sont en live, dont celui-là. Like a hurricane, stalking. peur de mes faiblesses. Tes soupçons puissent épargner une grossesse. Des chaos pour endiguer la violence. Et j'évite de te surestimer. Les mots se travestissent. Souviens-toi. Et le ciel prit la teinte des angoisses. Sa façon de fuir. Devine-moi. Amical et limpide. Ou à l'endroit. Thank you. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 131e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Predator, le nouveau Saxon, à l'endroit le nouveau Néophyte, Stealing en vinyle de Johnny Clark, Decision Art de Stomper 98 et Under My Wheels de Alice Cooper en live. On continuera cette émission avec Cool Aid, le nouveau Accept, c'est sur l'album The Rise of Chaos, leur 15e album sorti le 4 août 2017. On retrouve All in the Head, Analog Man and The Rise of the Chaos. On écoutera ensuite Elven Path de Nightwish, c'est sur l'album Angels Fall First, leur premier album sorti le 1er novembre 1997. On retrouve Beauty and the Beast de Carpenter et Nymphomaniac Fantasia. Et bon, ils ne font plus rien aujourd'hui et pourtant c'est un bon groupe. On continuera avec une autre nouveauté. J'aurais mieux fait de rester au lit. C'est le nouveau Le Gars d'en Face, c'est sur l'album Le Gars d'en Face, sorti le 2 avril 2018. On retrouve Nous on s'en fout, Vie en sursis et Le Compte Service. Ils sont excellents, on les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera encore une nouveauté, il y en a un paquet de nouveautés cette semaine. Merci Teacher, le nouveau Cashmere, c'est sur l'album Qui est la Punk, sorti le 4 mai 2018. On retrouve Moi être roi, Qui est la Punk et Joue avec nous. Ils sont aussi excellents, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Love is Overdue ou Love Overdue de Grégory Isaac, c'est sur l'album In Person sorti en 1975. On retrouve Financial Endorsement, The Way She Walk et Far Beyond the Valley du son culte. today. Great Elvin Smith's fourth ring of power. Elle fait tout toute seule, m'a explosé à la gueule, ébouillantée jusqu'aux os. J'hurle comme un veau, j'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait de rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. J'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait de rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. Je cours au petit coin, faire mon caca quotidien, une énorme diarrhée, y'avait plus le papier. J'gère le cul à l'air pour régler ma petite affaire. Heureusement que j'suis tombé sur mon programme télé. J'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait de rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. J'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait de rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. Je sors de chez moi, il pleut, il fait froid, la voiture démarrée. Je fonce au chantier, j'arrive au boulot, je tombe sur le dirlo qui se met à m'engueuler, me dit que ça peut plus durer. J'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait de rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. J'aurais mieux fait de rester au lit pour dormir jusqu'à midi. Je vais me doucher, je ferme pas mon armoire. Ici y'a pas de lézard, je commence à m'habiller. Puis je suis stupéfait, putain mais j'ai la poisse. On m'a dit qu'il est dégueulasse. J'aurais mieux fait rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. J'aurais mieux fait rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. Je rentre pieds nus, j'en ai plein le cul. Je commence à tracer, je tombe sur les condés. Vous êtes drogués, j'avais même rien fumé. M'ont fait un test tout pourri et m'ont retiré mon permis. J'aurais mieux fait rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait rester au vieux, j'étais beaucoup mieux. J'aurais mieux fait rester au lit pour dormir jusqu'à midi. J'aurais mieux fait rester au vieux. Au moins jusqu'au Congo, si j'avais compte en banque de Louis Attal. rien de beau sauf littérature. Can you listen, can you repeat? Apprends par cœur et suis la bonne conduite. À tout cyber, ni The Kitchen. Me voilà prêt en mode, en mode casque. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Who's gonna hold and squeeze my tight? Somebody tell me, now that she's gone out of my life. Love now. Who's gonna make me feel the way she used to do, yeah? Now that my love is overdue. Vous êtes toujours dans la 51e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Cool Aid, le nouveau Accept, Elven Pass de Nightwish. J'aurais mieux fait de rester au lit des gars d'en face. Merci Teacher, de nouveau Cashmere. Donc les gars le gars d'en face et Cashmere, allez sur la page Facebook, commandez leurs albums. Ils sont téléchargeables en numérique sur Bandcamp pour pas cher en plus. Faites les tourner, si vous êtes une asso, faites les tourner aussi. Ils sont vraiment, vraiment excellents. Et on a fini ce bloc en live avec Live is Overdue de Grégory Isaac. On continuera cette émission avec les Shibani de Zebda, c'est sur l'album Comme des Cherokee, leur 6e album sorti le 25 août 2014. On retrouve l'envie à suivre et les petits pas. Ils tournent sur le nom des Motivés Sound System maintenant et reprennent beaucoup, beaucoup de sons de Zebda. On écoutera ensuite une nouveauté qui n'est pas une nouveauté mais une réédition, c'est du son cassette, c'est Liberté Surveillée des Bons à Rien, c'est sur l'album Advienne Que Pourri sorti en 1993, réédité en 2017. on retrouve Stekeré, Les Enfants de Duplessis et Torrent Sang. Ils sont québécois. Oui, en ce moment, il y en a pas mal du son québécois. Ils ont vraiment envie de sortir de chez eux et de venir en Europe. Donc ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Back Disciples de Burning Spear. C'est sur l'album Dry and Heavy, sorti le 5 août 1977. On retrouve Any River, The Sun et Wailing, entre autres. Je vous gâte cette semaine en son culte. Et on continuera avec 22 mai de Hubert Félix Thiéphaine. C'est sur l'album Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Sorti le 1er novembre 1978, on retrouve la fin du Saint-Empire romain germanique, jetant Rome au vent, la maison Borgnole et l'ascenseur de 22h43, parties 1 et 2. Et on finira ce bloc en live avec mes copains allemands des Fantastischen Vier. C'est sur donc leur chanson c'est Auf der Flucht et c'est sur le Live am Spiel sorti le 2 octobre 2009. On retrouve Wasget, Nyusland et Krieger. Ce qu'ils en font de l'assiette est si petit. Quand leur dis pas, tu leur dis pas bon appétit. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent. C'est une soupe à la grimace, comme des larmes qu'ils ramassent, qu'ils boivent et qu'ils gardent pour eux, vu que tout est dit au fond d'eux. Une cuillère, un tabouret, un rideau rien de coloré. C'est qu'on fait pas dans la couleur quand t'as vécu dans la douleur. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les vieux, nos anciens. Ils ont des souvenirs si flous qu'ils les accrochent avec des clous. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Et quand il pleut à verse, toutes les gouttes les traversent. Ils sont dans les livres d'histoire comme nous dans une passoire. Comme l'oiseau perdu au gré du vent qui veut pas de regret. Ils vont et viennent à la merci d'un casse-toi ou de merci. Meurent sans cérémonie. Ce sont les vieux, nos anciens. Ce sont les deux réunis. Ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réunit. C'est qu'on a oublié la compagnie des chimènes. Qu'ils soient fils ou qu'ils soient parents, ils meurent une fois par an. À chaque fois qu'une naissance marque d'une croix leur absence. À chaque fois qu'une naissance marque leur absence. Ils en écrivent des phrases et ça efface pas l'ardoise. Crois pas qu'ils s'endorment, ils s'éteignent après un petit coup de peine. Et tranquillement disparaissent dans l'attente d'une caresse. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les deux réunis. Ceux qui nous laissent démunis le soir quand on se réunit. C'est qu'on a oublié la compagnie des chimènes. Ils vivent quand tout est fini et meurent sans cérémonie. Ce sont les vieux, nos anciens. Ce sont les deux réunis. Ceux qui nous well indeed. He's a lucky thing I never get, well indeed. And started to run, run, run. I would never run away. And started to run, run, run. I would never run away. Do you hear? I never run away. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. 22 mai 1968, 3 heures de l'après-midi. Le printemps qui refleurit fait transpirer le macadam. Sur l'autoroute de l'Ouest, un séminariste à moto, j'ai bien dit à moto, roule à toute allure vers un point non défini. Sur le porte-bagages, le Saint-Esprit, qui jusque-là était resté bien sagement assis, se coince soudain l'aile gauche dans les rayons de la roue arrière. Trois fois. Le séminariste perd le contrôle de sa motocyclette et vient percuter de plein fouet un pylône garé en stationnement illicite sur le bas-côté de l'autoroute. À ce même moment, un Chinois de Hambourg, déguisé en touriste américain, au volant d'un cabriolet de 22 chevaux immatriculé en Espagne, se dit qu'il lui faut porter secours à ce séminariste. Mais bientôt, cette idée lui paraît ridicule, étant donné, petit a, qu'il ne roule pas sur la même autoroute, petit b, qu'il n'est pas au courant de cet accident. Et ce fut sans doute l'événement le plus important de ce mois de mai. Bei mir zu Haus, kennt sie niemand mehr aus. Und es hat einen guten Grund, Thomas musste schnell raus. Ich ließ alles liegen stehen, Kreuz und Quere zum Aufräumen. What? Hatte ich keine Zeit mehr, da waren diese Männer. Die sahen aus wie Penner, doch ich als Menschenkenner, ich bring es auf den Nenner, es waren Killer. Hey, nee, ehrlich war, der eine zog Gitarre und ich wusste alles klar. Ich springe in meinen Wagen und drücke aus Gas. Doch ohne Autoschlüssel macht die Sache keinen Spaß. Also raus, Straße hoch und zur Bushaltestelle. Egal in welche Richtung, nur ein Bus, jetzt hat sie Schnelle. Es kommt kein Bus. Ich hätte ein Taxi nehmen sollen, möchte echt mal wissen, was die Jungs von mir wollen. Die kommen angerannt mit Waffen in der Hand. Ich denke, es ist besser, ich gewinne jetzt erstmal lang. Am besten jetzt Flugplatz und weit wegfliegen. Jedoch schlecht, keine Mücken los, hier die Straße lang in die U-Bahn. Wenn die mich kriegen, bin ich dran. Zur Haltestelle weiter raus und weiter laufen. Vielleicht sollte ich mir doch irgendwo die Knarre kaufen. Kein Streit, keine Zeit, los, hier ins Haus, zum Nebenangel rein. Von vorne wieder raus, um die Ecke durch die Straße, wo die Nutten stehen. Hoffentlich hab ich da jetzt niemand lang gehen sehen. Über irgendeinen Zaun durch den Hinterhof, an den Hunden vorbei, jetzt wird's mir echt zu doof. Doch, cool bleiben und Ruhe bewahren. Und mit der S-Bahn in die Stadt bitte fahren zum Hedgy. Da finden die mich nie, in meinem Kopf rein Gedanke, Thomas Lee. Ah, c'est des tueurs, c'est des Fantastischen Wir. Faut les connaître, faut aller les visiter sur leur page Facebook et compagnie parce que ils sont vraiment très bons. Vous êtes toujours dans la 131e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter les Shibani de Zebda, Liberté surveillée des Bons à Rien. Allez sur la page Facebook des Bons à Rien. On a eu ensuite Black Disciples de Burning Spear, 22 mai de Hubert Félix TFN, du son culte français. Et on a fini ce bloc en live avec Auf der Flucht de Die Fantastischen Wir. On continuera cette émission avec une nouveauté attractive, le nouveau Black Juju Inc. C'est sur l'album Crosses and Crossroads qui vient de sortir. On retrouve Dead, Red Awakening et Satan Close. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté. Là, il y a tout un bloc là, de nouveautés. The Juggler, le nouveau Dusk of Delusion, c'est sur l'album Funfair, sorti le 9 mars 2018. On retrouve Insanity, Sharpest Card et All You Can See. Ils sont excellents aussi. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Les Poissons d'Avril avec en featuring Les Crétins des Alpes de Fast and Furious. C'est une nouveauté aussi. C'est sur l'album 10 ans plus tard qui est sorti le 6 juin 2018. On retrouve non pas ce soir Le Fils des Naturistes et des reprises notamment de Elmer Footbeat avec Daniela et Gainsbourg avec Le Poinçonneur des Lilas. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Devil Blues, le nouveau Wood Unit, c'est sur l'album Memories from a Shithole qui vient de sortir aussi. On retrouve The Price, Jungle Fever, et Waiting. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce blog en live et en nouveauté avec Bloody Mary, le nouveau Elixir. C'est sur l'album A Duel Light Around, sorti en août 2018. On retrouve Blood Writing, Your God Is Nothing et Stars. Ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Lost in the dark.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. my tomato. And then it's time to go. Oh! not too deep. Please wait for me to come. Just for my name, it's a key I pay to this for you. Vous êtes toujours dans la 131e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Attractive, le nouveau Black Juju Inc., The Juggler, le nouveau Dusk of Delusion, Poisson d'Avril avec les Crétins des Alpes, le nouveau Fast and Furious, Devil Blues, le nouveau Woody Nut, et on a fini ce bloc en live avec Bloody Mary, le nouveau Elixir. On continuera cette émission avec Tout ce fric de Oberkampf, c'est sur l'album PLC sorti en 1983, mais masterisé et réédité en 2018. On retrouve Au présent, Pas de poudre et Pays armé. Et tout Oberkampf est réédité chez Kebra Records. Merci Pat de m'avoir fait passer ce son. On écoutera ensuite Elastic, le nouveau Nevermind the Car, c'est sur l'album EP2, lors de leur deuxième EP, sorti le 11 août 2017. On retrouve Innocent, Angels Falls et Never Let You Go. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Feel Alright de David Toots and the Metal, c'est sur l'album Roots Reggae, de Classic Jamaican Album, sorti le 7 octobre 2005. C'est en fait un gros best-of avec pas loin de 50 titres. On retrouve Daddy, Never You Change et Sweet and Dandy. On écoutera ensuite Crazy de The Slakers, c'est sur l'album Peculiar, sorti le 21 février 2006. On retrouve Propaganda, Invoked Capo, et Keep It Simple. Et on finira ce bloc en live avec Raise Your Hand de Janis Joplin. C'est sur l'album Janis, sorti en 2006. C'est pareil, c'est une compile de tous les titres de la Mama Cosmic. Look into my eyes. Fear becomes limitation. We don't need a separation. Oh, we all educated. Oh, God is moving on me. He is moving all around me. Keep Lord his foot upon the sea and he rise up. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Thank you. On vient d'écouter Tout ce fric de Oberkampf, Elastic, le nouveau Nevermind de K, Feel Alright de Toots and the Metal, Crazy de The Slaker, et on a fini ce bloc en live avec Raise Your Hand. Cette 131e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe et que vous souhaitiez diffuser, ben contactez-moi, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, c'est une spéciale label Eli Promotion. Il y a certaines choses qui ont été diffusées aujourd'hui qui font partie de ce label-là. J'aurai en invité Eli, la directrice du label, qui nous parlera un peu de son label et du fonctionnement, et nous filera tous les liens pour la contacter. On finira cette émission avec Bye Bye Cobaye de PH7, c'est sur l'album Commissaire Magret, sorti en 2003. On retrouve Carlet Soulard, Commissaire Magret et Super Boulette. Ils ne font plus rien sous le nom de PH7, mais sous le nom de Beta Bloqué. Pareil, je les inviterai très prochainement dans la crypte pour qu'ils viennent nous parler d'eux. Oui, cette année, il y aura pas mal d'émissions avec des invités. Donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Mes amis, mes chers ouailles, j'ai un truc qui me travaille, me turlupine les entrailles, je vous donne les détails. C'est l'histoire de cobaye qui adore la papaye, il en mange ouille en pagaille dans sa cage au petit portail. Un jour il fait pas de détails, il va sur un coup de tête, aïe, abandonner son bercail, c'est ce jour qu'il rompt son bail. Les gars, et bye bye, je veux nager dans le corail, ronger des géants bonsaï sur les îles, je mets le gouvernail. Il prend son tricot en sky, puis ronge à mort un fermail d'un ventailleux du portail, puis de sa prison il taille. Il pousse un puissant bonsaï pour un samouraï, il n'a qu'un petit cobaye face à un plus grand bétail. méchant Angouraille qui en a marre du chébaille, débarqué devant le cobaye, il finit dans ses entrailles. La morale de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux la prison que le ventre d'un chat marron. C'est pas gay, je sais, c'est toi.